Le supramental n'est-il pas simplement une structure permettant à l'être de survivre jusqu'à la prochaine étape de son évolution? Ben, c'est un oui, jusqu'à un oui. Ça peut être vu comme ça, parce que c'est un principe évolutionnaire. Étant donné, il faut que ça vienne d'en dehors de l'ego pour être une force capable de poser une pression pour que l'ego transmette. Donc, oui, on pourrait dire ça.